passe par-dessus. De ta gentillesse, j'en ferai la faiblesse pour t'écraser, vois-tu. Tout le monde, il est beau, dans le monde est baisse, pour tout le monde, il est beau, c'est dans le monde, oh, oh, oh, ouais. Donne-moi un peu d'oseille, car il faut que tu m'oneilles si tu veux me voir nu. Je comprends tes sentiments, mais tes revenus peu rassurants me forcent à être vêtu. Tout le monde, il est beau. Je suis le nouveau despote et toi l'imbécile qui m'a cru. Tout le monde, il est beau. Dans le monde des bestiaux. Je suis pas ma religion, tu as choisi la conversion, ton âme sera perdue. Tout le monde, il est beau, dans le monde des bestiaux. Pour tout le monde, il est beau, c'est dans le monde des bestiaux. Oh, oh, oh, ouais. Tout le monde, il est beau. Dans le monde, dans le monde des bestiaux. Tout le monde, il est beau. Dans le monde, dans le monde, dans le monde des bestiaux.